Comme nous, babada bada, babada bada, chante tout, babada bada, babada bada, nos cœurs y voient, babada bada, bada, comme une chance, comme un espoir. Comme chance qui passe là.